Lettre 33e. Émeute à la porte Saint-Martin, empêchée par une averse, la populace dans le beau temps, manière de calmer les émeutes, l'armée d'Italie, le théâtre français, Mademoiselle Mars dans le rôle d'Henriette, la comédie disparaît. Quoique Paris soit réellement en ce moment aussi tranquille qu'aucune grande ville puisse l'être, on ne laisse pas de nous raconter chaque matin qu'il y a eu une émeute hier au soir à la porte Saint-Martin. Mais je vous assure que ce sont là de petits passe-temps fort innocents. Et quoi qu'il arrive rarement que l'heure mystérieuse qui doit amener une révolution se passe sans quelque arrestation, les prévenus sont presque toujours remis en liberté le lendemain matin. Le premier interrogatoire ayant suffi pour démontrer que les jeunes agresseurs, qui ont pour l'ordinaire tout au plus 20 ans, sont aussi incapables de faire du mal que les grenouilles qui coassent sur les bords de la Wabash. Quoi qu'il en soit, les récits journaliers que l'on nous faisait de ces réunions engagèrent deux hommes de notre société à se rendre l'autre soir à cette porte Saint-Martin dont on nous parlait tant, dans l'espoir d'être témoins d'une de ces jolies petites émeutes. Mais en arrivant sur la place où elle devait avoir lieu, ils la trouvèrent entièrement tranquille. L'ordre le plus parfait régnait de toutes parts. Seulement quelques militaires se promenaient dans les environs. Ayant demandé à l'un d'eux la cause d'une tranquillité laquelle on avait été loin de s'attendre, dans ce fameux quartier de la ville, « Mais ne voyez-vous pas qu'il tombe de l'eau, messieurs ?» répondit le garde municipal. « C'est bien assez pour refroidir le feu de nos républicains. S'il fait beau demain au soir, messieurs, nous aurons encore un petit spectacle. » Résolu de savoir s'il y avait réellement quelque vérité dans ces histoires, et soupçonnant que tout ce que l'on nous avait dit, y compris la réponse du garde municipal, n'était qu'une mystification, nos messieurs, voyant que le temps était redevenu fort beau, se déterminèrent hier au soir à tenter encore une fois l'aventure, et cette fois le succès répondit à leur attente. Il y eut en effet la plus gentille petite émeute qu'il fut possible de voir. Le rassemblement se composait d'environ 400 personnes. Il y avait de l'infanterie et de la cavalerie. Les chapeaux pointus étaient en abondance, et des drapeaux flottaient sans vent sur les épaules de gamins déguenillés à qui l'on avait donné 2 sous pour les porter. Dans cette mémorable soirée, dont les journaux républicains font force bruit aujourd'hui, on a arrêté plusieurs des plus grands vociférateurs. Mais il paraît qu'en général, les soldats ont agi avec beaucoup de douceur, et nos amis ont entendu plus d'un éclat d'éloquence populaire qui aurait pu avec raison être traité de discours séditieux, mais auquel la troupe n'a répondu qu'en riant et en criant « Vive le roi !» Il y avait cependant un jeune héros, costumé des pieds jusqu'à la tête en vrai Robespierre, que l'on eut assez de peine à arrêter. Et pendant que 2 gardes municipaux l'empoignaient, un petit homme âgé d'environ 10 ans, qui portait un drapeau si grand que lui-même et qui servait sans doute d'écuyer au chevalier errant que l'on venait de prendre, se tenait devant lui sur la pointe des pieds et criait « Vive la République !» de toute la force de ses petits poumons. Un autre malheureux, de la plus basse classe, ne cessa, tant que dura le tumulte, de haranguer un groupe qu'il avait réuni autour de lui. Il avait les bras nus jusqu'aux épaules, et ses gestes étaient d'une grande violence. « Nous avons des droits » s'écriait-il avec beaucoup de véhémence. « Nous avons des droits. Qui est-ce qui veut les nier ? Nous ne demandons que la charte, qu'il nous donne la charte !» Le tumulte dura pendant à peu près 3 heures, au bout desquelles chacun se retira fort tranquillement. Et il faut espérer qu'ils s'occuperont tous paisiblement de leurs divers métiers, jusqu'à ce que le beau temps les ramène sur le boulevard pour jouer à ce petit spectacle, le double rôle d'acteur et de spectateur. La répétition constante de ces ridicules émeutes ne paraît plus causer à personne la moindre inquiétude, et si ce n'était le peu d'effet que produisent les amendes et les emprisonnements infligés souvent avec une grande rigueur, et qui malgré cela ne parviennent point à arrêter l'expression de la désaffection de la populace et des journaux qui la soutiennent, on serait tenté de regarder l'indifférence du gouvernement comme une preuve de confiance dans sa force et d'absence de toute crainte sur ce que pourrait tenter cette embarrassante faction. Je crois en effet que c'est là le sentiment du gouvernement du roi Louis-Philippe. Toutefois, le bonheur du peuple de Paris serait considérablement augmenté si l'on pouvait imaginer quelques moyens de mettre fin, une fois pour toutes, à ces honteuses scènes. Liberté et ordre public, c'est là la devise du roi Louis-Philippe. Elle serait parfaite s'il y ajoutait paix et tranquillité, car il ne régnera jamais par aucun autre pouvoir que celui que donne l'espoir de la paix et de la tranquillité. La nation harassée en exige de lui le bienfait, et s'il la désappointe, le résultat en sera funeste. Louis-Philippe n'est ni un Napoléon ni un Charles X. Il ne possède ni les droits inaliénables de celui-ci, ni la gloire prédominante du premier. Cependant, s'il a le bonheur de découvrir le moyen d'assurer à ce pays si beau, mais si fatigué de ses luttes intestines, la paisible prospérité dont il paraît commencer à jouir, il sera regardé par le peuple français comme plus grand que l'un ou l'autre. Hardie, intrépide, prudente et forte, doit être la main qui veut aujourd'hui tenir le sceptre de la France, et je crois que l'on peut raisonnablement douter qu'il soit possible de le tenir ainsi, à moins de commencer par éloigner et mettre hors d'état de nuire quelques-uns de ces esprits insouciants qui ne craignent pas de sacrifier leur vie sur l'échafaud, dans le ruisseau ou à côté d'un fourneau de charbon, plutôt que de vivre paisiblement dans l'état où il a plu à Dieu de les placer. Si le roi Louis-Philippe voulait entreprendre une croisade pour rendre l'indépendance à l'Italie, il ferait facilement de chaque traître un héros. Qu'il adresse à l'armée recrutée pour cette expédition ces mêmes paroles électrisantes dont se servit jadis Napoléon, « Soldats, partons pour établir le Capitole. Réveillons le peuple romain engourdi par plusieurs siècles d'esclavage. Tel sera le fruit de vos victoires. Vous rentrerez alors dans vos foyers et vos concitoyens diront en vous montrant « Il était de l'armée d'Italie. » Qu'il institue après cela un nouvel ordre qu'il appellera l'ordre impérial de la redingote grise ou l'ordre indomptable des bras croisés, qu'il permette à tous ceux qui y seront admis de faire broder un aigle sur leur habit quand ils se seront conduits en vrai français sur le champ de bataille, et je vous promets qu'après cela la porte Saint-Martin sera aussi tranquille que le cabinet de toilette de l'autocrate à Saint-Pétersbourg. Si l'on avait recours à quelque expédient de ce genre, on n'aurait plus besoin de cette inconvenante soupape de sûreté par laquelle on laisse à présent échapper ce qu'il y a de nuisible dans la vapeur créée par la portion inquiète de la société. Il peut y avoir de la grandeur et de la magnanimité de la part d'un roi et de ses ministres à rire des caricatures et des plaisanteries séditieuses de toute espèce, mais je doute fort que cela soit prudent. Le respect des hommes est indispensable au maintien de l'autorité, et ce respect se montre d'une manière plus profitable par un degré convenable de déférence extérieure que par les élans les plus sublimes d'admiration individuelle qu'ait jamais enflammé le cœur d'un courtisan. Cet avis au lecteur pourrait être utilement écouté dans plus d'un pays. Depuis que je vous ai pour la dernière fois parlé des théâtres, nous avons été voir Mademoiselle Mars jouer le rôle d'Henriette dans la délicieuse comédie des femmes savantes de Molière. Lorsque je l'avais vue dans Le Tartuffe et dans Charlotte Brown, j'ai été placé aux premières loges et à quelque distance du théâtre, de sorte que je m'imaginais que ces distances même avaient pu contribuer à l'effet produit par la grâce de la tournure, des gestes et de la toilette de cette femme extraordinaire. Afin de distinguer d'après cela ce qui était l'illusion de ce qu'il pouvait y avoir de réel dans la beauté que je voyais ou croyais voir, je résolus de faire une dangereuse expérience, c'est-à-dire de me placer au balcon des acteurs. C'est donc de là que je lui ai vu jouer Henriette, rôle qui n'emprunte absolument rien à l'art ou à l'effet théâtral, et dont tout le charme réside dans la peinture d'une jeunesse naïve et dépourvue d'affectation. Là, il n'y a point de saillie, point de traits inattendus, soit de sensibilité, soit de gaieté, rien que jeunesse, douceur, modestie et tendresse. Rien qu'une jeune fille de 16 ans, plus modeste peut-être et plus timide encore que ses compagnes. Et pourtant ce rôle, qui semble exiger nécessairement de la jeunesse et de la beauté dans l'actrice qui en est chargée, et rien que cela, ce rôle, dis-je, a été joué par cette miraculeuse vieille dame de façon à m'enchanter, et non seulement moi, qui suis rococo, mais encore tous les jeunes gens du parterre, à qui elle arracha des applaudissements si bruyants que tout autre qu'elle en aurait été étourdi. Cela n'est-il pas merveilleux? Combien ne faut-il pas regretter que l'art d'écrire la comédie se soit perdu? On fait ici des vaudevilles, charmantes pièces dans leur genre, et nous avons chez nous ce que nous appelons des farces, dont le seul souvenir excite la gaieté. Mais pour des comédies qui s'adressent à l'esprit aussi bien qu'aux muscles du visage, il n'en existe plus. Le bossu est chez nous la pièce qui approche le plus de ce type, comme Bertrand et Raton l'est ici. Mais même dans ces deux cas, l'émotion de plaisir que l'on éprouve provient plutôt de l'intrigue que des personnages, plutôt de l'action théâtrale que de l'esprit et de l'élégance du dialogue. À l'exception, peut-être, de la jolie scène du caprice de Julie dans le second acte du Bossu. Encore ne puis-je m'empêcher de croire que l'effet de cette scène était dû dans l'origine plutôt à la grâce badine de la charmante actrice par qui ce rôle a été créé qu'au mérite intrinsèque de la composition. On compose de temps en temps des tragédies, témoins Fazio et Rienzi, mais pour la comédie, vraie, facile, gracieuse, coulante, parlante, elle est morte. Je crois qu'elle a suivi Sheridan au tombeau, et qu'elle a été ensevelie avec lui, mais on ne sent jamais autant cette perte, on n'est jamais aussi disposé à la déplorer, qu'en sortant de voir une des meilleures comédies de Molière, car il faudrait ranger ces pièces en classe comme des pierres précieuses. Quel flot d'un bonheur inconnu inonderait tout à coup l'Angleterre et la France si l'on voyait paraître une comédie nouvelle du mérite de l'école de la médisance ou des femmes savantes. Figurez-vous le charme inappréciable que l'on éprouverait à écouter ce dialogue, à la fois si spirituel et si vrai, si brillant et si neuf, qui semble couler d'une source pure et vive. Ce n'est point une de ces pièces de Monet portant déjà l'empreinte des applaudissements, et qu'il n'est pas permis de refuser, mais un lingot d'or natif auquel la pierre de touche de votre propre intelligence doit être appliquée pour en bien connaître la valeur. C'est une chose étrange que la masse immense de matière que les scènes fugitives de l'époque dans laquelle nous vivons fournissent pour la comédie n'ait été mise en œuvre par personne. Molière n'a pas laissé échapper un seul des ridicules de son temps. S'il avait vécu de nos jours, quels admirables tableaux ne lui auraient pas fourni les Whigs, les radicaux, les rois mendiants de l'Angleterre, les poètes tragiques, les républicains et les parvenus de sa patrie. Rousseau a dit que quand un théâtre produit des pièces qui représentent les véritables mœurs du peuple, elles doivent être d'un grand secours à ceux qui assistent, pour qu'ils voient ou corrigent ce que ces mœurs sont de vicieux ou d'absurde, comme on note devant un miroir les taches de son visage. L'idée est excellente, et certes, il n'y eut jamais de temps où il ait été aussi aisé et aussi avantageux de mettre cette leçon en pratique. Si le ciel daignait seulement envoyer à l'Angleterre un Sheridan et à la France un Molière, nous pourrions espérer de voir quelques-unes de nos plus grandes infortunes tourner en plaisanterie et de guérir à force de rire, comme ce malade qui se mourait d'une esquinancie.